بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالتعصب. ما هو التعصب؟ أي délaisser الدليل alors que c'est clair pour suivre la parole d'un autre que le prophète صلى الله عليه وسلم. Autre que Kalam Allah Azza wa Jal. Hada huwa at-ta'assub. Et même si on lui montre, c'est clair, il ne peut pas délaisser ce qawl. Pourquoi? Pourquoi il ne délaisse pas ce qawl en général? Al-muta'assub. Et celui qui a du ta'assub. Pourquoi il ne délaisse pas son avis? Il y a plusieurs cas, plusieurs raisons, on les a cités. Indaman. Il est persuadé qu'il a raison. Hein? On ne va pas délire. Pourquoi? C'est la question. Hein? Il n'y a pas l'ikhlas. Naam. Il y a un manque de ikhlas. L'ikhlas, ça permet de revenir au haq. Il y en a le but de cette démarche, de ces efforts fi talab al-'ilm, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le dalil il est clair ou l'insan il est sincère, il n'a aucun mal à revenir au haq. Donc le manque de sincérité, كذلك عندما ان pourquoi? C'est la question. Le manque de sincérité, كذلك il a peur de contredire les autres. Il a peur de contredire les autres. Il est dans un endroit, la majorité ils ont un avis et les contredire, peut-être qu'il va se faire critiquer, peut-être qu'il va être accusé, peut-être qu'il va être délaissé avec son manque de ikhlas. Il ne peut pas les contredire. كذلك ربما s'il délaisse son avis, ربما il aura une perte في الدنيا. Par exemple, il travaille avec un patron et il a certains avis. S'il le contredit, ربما il le renvoie. Ou une personne qui l'aide financièrement, il ne l'aide plus. Et le système des jamiyat, معروف. أنهم c'est basé sur l'argent et si tu les contredis, il ne te donne plus. فربما يتعصب, il ne peut pas laisser le bâtel et suivre le haq, tout ça parce qu'il y a un profit de dunya. Kadalik, parmi les causes, le relou, l'exagération. Nous, il pense que ce shir, il a forcément toujours raison. Et ça, c'est pas min madhab ahl-sunnah. Madhab ahl-sunnah, n'al-alim yusib wa yukhti. Et al-mizan, pour prendre son qawl ou le délaisser, c'est al-kitab ou sunnah. Si son qawl, il ne contredit pas al-kitab ou sunnah, et son qawl il est fondé sur des preuves, on le prend. Si son qawl, son avis, il contredit des textes, il n'y a pas de délil, ben on ne le prend pas. Et si c'est un savant de la sunna, walillahi alhamd, il a une raison. L'ijtihad, il s'est trompé. Lakin, son but c'est le haq. Lakin, il peut se tromper. Il a mal compris. Il n'a pas eu le temps de traiter le sujet comme il faut. Ben, ça arrive, inda ulama. أهل السنة فلا نتعصب لا يجوز التعصب surtout pour un طالب علم لأن طالب علم يطلب العلم et pour arriver à ton objectif de comprendre العلم التعصب c'est une barrière énorme entre toi et la compréhension entre toi et les efforts فلا نتعصب ni à ton chir ni à la majorité ni à tes amis ni à personne tu suis الحق أينما كان. Et tu prends ce haq inda ulama et ahli sunnah wal jama'a. Thumma, le Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, il nous a mis en garde contre ad-dunya. Ay, talab al-ilm pour ad-dunya. Ou pour se montrer. Ay, talab al-ilm avec une mauvaise intention. Et on a déjà détaillé ce point au début de la risala. Et huna, il fait un rappel par rapport à ad-dunya. Wa salaf, rahmatullah alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés, les annahum, ils ont fait des efforts jiddan fi hadha al-bab. Ils ont fait des efforts fi l'ilm, ils ont fait des efforts fi l'ikhlas, ils ont fait des sacrifices. La bud hadha. Talib ilm qui veut avancer, il est obligé de faire des sacrifices. Amma, tu veux arraha, et te reposer, l'argent et l'ilm, fa hadha la. لا ينال العلم براحة الجسد هكذا قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه لا ينال العلم براحة الجسد تغيب غباء أكيغير أبخفتي في العلم أنت غبوزا كذلك الدنيا طلب الدنيا أي faire beaucoup d'efforts في طلب الدنيا tu ne pourras pas faire les deux des efforts في الدنيا et des efforts في العلم. Léana, t'es un être humain. T'as des capacités, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, Talib ul-ilm, il doit faire attention à tenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit de manger. Là, il est obligé de prendre soin de lui, de manger, etc., d'avoir un foyer. Et ces choses, ça t'aide pour Talib ul-ilm. Lakin, rentrer fi dunya et faire des efforts du matin au soir, toujours en vouloir plus, ça te fera du mal, fait talab al-ilm. Le salaf, rahmatullah alayhi, on va lire certains athars, ils ont délaissé des choses mubaha, des choses permises. Ils les ont délaissées pour avancer fil ilm. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Lakin nahnu, notre niveau fil ilm et fil iman, il est faible. On essaye de le ressembler. كما قال الشاعر فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فإن التشبه بالكرام فلاحوا. Si vous n'êtes pas comme eux, essayez de leur ressembler. Ressembler à haoula al-akhyar al-salihin, c'est une karama, c'est un bienfait, c'est quelque chose de tayyib. Même si on n'est pas comme eux, on ne sera pas comme eux, illa an yasha Allah azza wa jal, on fait des efforts. On ne laisse pas le shaitan rentrer et on dit non mais eux, c'était, ils faisaient partie des salaf al-salih et ils ont fait telle chose, nous on peut pas, et on se met des barrières. Fadlullah, il est wasi'. Tu fais des efforts et tu essaies de le ressembler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, karimun, il est ala kulli shay'in qadir, jalla wa ala. Qala Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, al-imam, aqama shu'ba على الحكم ابن عتيبة 18 شهرا. ست إمام شعبة معروف شعبة ابن الحجاج إمام كبير في السنة. Il est resté avec الحكم ابن عتيبة 18 mois. قال يعني يطلب الحديث أي pour apprendre العلم. حتى باع جذوع بيته حتى. Il est arrivé à un niveau, il a fait beaucoup d'efforts fil ilm, il avait besoin d'argent, il a vendu des choses, des poutres de sa maison. Il sait que délaisser al-ilm pour rentrer fi dunya, il ne peut pas faire les deux. Donc, des sacrifices. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. لأن مثل هذا الفعل من علامات الإخلاص والصدق. Il arrive à vendre les poutres de sa maison pour continuer à طلب العلم. وابن عيينة رحمة الله عليه قال سمعت شعبة شعبة بن الحجاج toujours le même imam يقول من طلب الحديث أفلس. Celui qui fera des efforts في العلم في علم الحديث وفي غيره أفلس أي il goûtera la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rassembler les deux. Faire des efforts fil ilm et faire des efforts fil dunya, ça ne veut pas dire que si tu tlob l'ilm tu délaisses dunya complètement. Là, lakin nahnu on parle min hayt al-ijtihad. Si tu fais des efforts fil talab l'ilm, tu dois faire des concessions, des sacrifices par rapport à dunya. Tu n'auras pas comme une personne qui fait des efforts fil dunya l'ayl nahar. Il se lève le matin, son objectif c'est dunya, il a beaucoup de projets, il fait beaucoup d'efforts, ça roule pas mal, il aura une entrée d'argent plus que la tienne. Amma anta la, fais des efforts fil ilm. Néglige pas le dunya. Néglige pas les choses primordiales, les choses que tu as besoin, manger, un foyer, t'habiller, lakin ne dépasse pas les limites fihada. Là, tu ne pourras pas rassembler avec l'ilm. Certaines l'époque où on vit, nous. Et on le voit. Al-Ikhwan, il rentre dans des choses faites de nuit. Tu ne le vois plus, fil masjid. On ne dit pas l'ilm, l'ilm. L'ilm, c'est quelque chose de ba'id dans ce cas. Là, hatta al-fara'id, rubbama, il ne les fait plus. Et al-muharram. Il tombe fil muharramat, la mixité, certaines choses, alors que c'est haram. Amma ha'oula al-a'imma, des choses mubah, il a fait des sacrifices. Et il faut des personnes comme ça. Il y en a, si tout le monde rentre dans le dunya, qui c'est qui va montrer à la umma? Qui c'est qui va faire da'wah? Il faut des personnes qui font des sacrifices comme ça. Enfin, fais des efforts, essaye de faire partie de ha'oula. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera. Sans exagérer. Chaque chose a sa place. Ton maqab, l'imam Shu'bah, bi'tu tasta ummi bi sab'ati dananir. Il est arrivé à un niveau, il a vendu un récipient de sa mère, et ils lui ont donné 7 dinars, et il a, alhamdoulilah, il a continué le talab al-ilm. Hakada, les efforts. Wa ibn Abi Hatim, rahmatullah alayhi, yaqul sami'tu abi, son père, Abu Hatim al-Razi, l'imam, سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة أربعة عشرة ومئتين ثمانية أشهر. Il est resté في البصرة en Irak 18 mois أو 8 mois. وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطع نفقتي. نعم. Il voulait rester un an, لكن il avait plus de revenus. رحمة الله عليه. فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفق. Il a réussi à tenir un certain temps, il vendait ses habits. Vu qu'il avait plusieurs vêtements, il a gardé le minimum et le reste il a vendu. Tout ça pour continuer fil ilm. Alors que ha'oula c'est des rijal, ils seraient rentrés fil dunya, ils auraient fait des efforts que ashab dunya ils font pas. Ils se lèvent très tôt, ils patientent. Ils ont un bon comportement. Fait dunya, ils auraient fait des choses agibles. Lakin, ce n'était pas leur but. Il arrive à un niveau, il a vendu ses habits pour continuer l'ilm. Rahmatullah alayhi. Hatta, il arrivait à un niveau, il avait plus de nafaqa, plus de revenus. Il est resté 2 jours, comme a fait le qissa, 2 jours sans manger. Le 3e jour, son ami, il est venu le chercher pour qu'ils aillent au dars, inda al-shir. Et il ne pouvait plus. Il lui a dit, je suis daïf, je ne peux pas. Thomas, il lui a dit, malak, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Thomas, il lui a expliqué. Il lui a dit, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, enfin, je ne peux plus. Thomas, son ami, il l'a aidé. Il avait 1 dinar, ils l'ont partagé en 2, et il lui a donné la moitié. Ça montre les sacrifices, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une issue. Lakin as-subr. Et ne pas passer les limites et connaître qadr nafsik. C'est pas on comprend ce genre de athar et on fait plus aucun effort et on demande aux autres et on se fait humilier. Là, tu connais qadr nafsik. Haoula, et patienté djit. Toi, par rapport à ton hal, par rapport à ta patience, tu fais les efforts. Et si tu as besoin de travailler pour continuer à tlob l'ilm, payer ton loyer, payer ta nourriture, payer tes vêtements, il n'y a pas de mania. Il n'y a pas de mania. Là, celui qui patiente et qui fait des efforts et il réussit, il est à la khayr. Wa Abu Huraira, radiyallahu anhu, sahabi al-jalil, qala laqad ra'aytuni, kama fi hilyat al-awliya, qala laqad ra'aytuni usra' bayna minbar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa bayna حجرة عائشة رضي الله عنها. Il tombait entre le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son masjid fil Madina et la maison de Aïcha. Il était à cet endroit et il est tombé. فيقول الناس, les gens ils l'ont vu tomber, إنه مجنون. Hey, il est مجنون. Il y en a, ça lui est arrivé plusieurs fois. Il tombe. Abu Huraira رضي الله عنه قال وما بي جنون. Hey, j'étais pas malade. قال ما بي إلا الجوع. tellement qu'il avait faim, il tombe. Radiyallahu anhu. Il y a Abu Huraira, il s'est consacré à talab al-ilm tout le temps avec le prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé et c'est devenu hafid al-sahaba. Hafid al-sahaba, et le sahabi qui a rapporté le plus de hadith, c'est Abu Huraira. Li'annahu pendant 4 ans ou 5 ans, il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam daiman. Fa hafidha minhu ahadith kathira. Thumma il a propagé à l'umma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé bihad. Lakin les sacrifices. Les sacrifices pour continuer talab al-ilm avec le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dû faire des concessions. Et ces concessions, elles l'ont poussé, rahmatullah alayhi, à tomber min al-jou'. وقال ابن القاسم رحمة الله عليه كما في تاريخ بغداد أفضى بمالك ابن أنس رحمه الله طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. الإمام مالك il arrivait à un moment, il faisait beaucoup d'efforts في العلم, il n'avait pas le temps de se consacrer à dunya. Il arrivait à un niveau أنه il a démoli le plafond de chez lui et il a vendu les poutres, رحمة الله عليه. Tout ça pour continuer fil ilm. Les anahaoula, ils ont compris l'importance de l'ilm. Haoula, tu ne peux pas le faire délaisser l'ilm pour quelques billets, quelques pièces. Les anahaoula, ils ont connu l'importance. Ils ont su que c'était ça, la tariq al-jannah. Et ils ont su que par ce moyen, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les élever. Ils ont réussi à faire ces concessions, ces sacrifices. Mais celui qui a un problème fait l'ikhlas et il ne connaît pas la ni'ma dans laquelle il est, une petite chose, Rubama, il délaisse. Une petite chose, un petit confort qui lui manque, Rubama, il délaisse. On fait des efforts fihad. Et ce qui aide à patienter, c'est at-tawhid, l'aqid al-sahiha. Ton cœur, il devient fort, plus fort. Annaka tatawakkal ala Allah. Et tu connais ton nefs, tu connais ton objectif. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il est ma'al muttaqin. Fait tout simplement ce sacrifice, ça vient tout seul. Bi'idnillahi jalla wa ala. Wahdhar min at-takalluf. Fais attention de t'imposer au-dessus de tes capacités. Il y en a, ça sera trop lourd et t'arrêtera. Là, ne t'impose pas. Travaille ton ikhlas, travaille ton tawhid. Lis la biographie des salafs. Fais ad-du'a. Et avance selon tes capacités. Et tu vas voir que jour après jour, semaine après semaine, année après année, tu deviendras plus fort. Fais l'ilm, fais sobre, fais tawakkul. Tout ça, tu deviendras plus fort et tu arriveras à faire, à patienter sur des choses que tu n'arrivais pas au départ. Amma takalluf. Au départ, tu lis ce genre de athar, un salaf, et tu te précipites, tu t'imposes au-dessus de tes capacités. Tu manges plus, tu bois plus. هذا تدفعه دمال تدفعه دمال لأنك تبقى الإنسان يستعين بالصبر والصلاة يفعل ديزيفور في العبادة في الدعاء يفعل ديزيفور في العلم إن شاء الله تتندرى أنيبو تباسيونترى بوكو بلس واتنسيون أفتنة الدنيا تدفين تون أبجيكتيف تون بوت. Et Shaitan il rentre par cette porte. Tu feras le hijra plus tard. Tu feras talab al-ilm plus tard. Il faut déjà que je mette de côté. Qui c'est qui t'a dit que tu allais mettre de côté awwalan et thaniyan que tu allais avoir le temps de profiter ce que tu as mis de côté? Ma tadri. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Tu sais pas quand est-ce que malak al-maut va venir récupérer ton âme. Fais les efforts et ne retarde pas le khayr. Alhamdulillah, tu commences avec un petit niveau, selon tes moyens, alhamdulillah, petit à petit augmente. Amma, tu délaisses tout, et plus tard je ferai, et tu rentres vite de dunya, fa kam min al-ikhwan, ils ont pensé que je vais mettre de côté, je vais faire ça dans le dunya, et je ferai plus tard, et ça fait une décennie. Ils sont toujours vite de dunya. Ils sont rentrés, et maintenant pour délaisser tout ce confort, toutes ces choses, c'est pas simple. Fais attention, ne crois pas que c'est toi qui tes projets, c'est toi qui gères. Abadan. Al-amru ila biyadillahi subhanahu wa ta'ala, fasta'in billah. Fais des efforts, demande à Ahlul Ilm, prends des conseils, et fais par rapport à dilat le Coran ou le Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvrira les portes. Fahada, quelques athar an salaf pour nous motiver et pour kadhalik, c'est important ce genre de athar hatta tu connais qadr nafsik. On connaît notre niveau. T'as fait un dars, deux dars, t'as appris quelques hadiths. On reste des talabat al-ilm débutants. Dès que tu connais le niveau de ha'oula et les efforts qu'ils ont faits, ça te donne de l'humilité, de la modestie. Tu sais que t'es, à leur époque, tu serais un petit talib ilm. Attention al ghurur et se précipiter. Et al-i'jab bil-nafs. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الشيخ عبد السلام il a cité comme titre العمل بالعلم. Ça c'est important, العمل بالعلم. Et ça c'est le fruit de tous ces efforts qu'on fait في العلم. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi je viens au Tars? Pourquoi j'apprends telle chose par cœur? Pourquoi j'écoute? Pourquoi je lis? La réponse, c'est pour appliquer. Al-amal bil-ilm. Qala al-Sheikh Sa'di, wa min a'zam ma yata'ayyan ala ahli al-ilm, al-ittisaf bima yad'u ilayhi al-ilm, min al-akhlaq wal-a'mal wal-ta'lim. Donc, ce ilm, c'est une ni'ma min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, lakin ça va engendrer des choses, ça va impliquer des choses. Cette ni'ma, labud an tashkuraha, tu dois être reconnaissant. Et la reconnaissance, al-shukr fi hadha al-bab, c'est que tu appliques ce que tu connais. Niveau comportement, il a cité Cheikh Sa'di, min al-akhlaq, fa un talib ilm, il ne doit pas être comme un jahl. Il insulte, il s'énerve alors qu'il n'y a pas lieu de s'énerver. Il perd ses moyens. Il se précipite. Il accuse. Il croit aux rumeurs. Tout ça, c'est min sifat al-juhal masakin. Il ne sait pas. Le premier qui lui dit une chose, il croit. Une petite chose, il perd son sang-froid. Rabbama, il veut régler une chose, il fait beaucoup plus de mal. Talibul ilm abadan. Son ilm, il le pose. Son ilm, il l'aide à comprendre. C'est pour ça que tu vois un talib ilm haqqan et un autre, c'est pas pareil. Dans le comportement, dans le mu'amala, il achète, il vend. Tout ce qui est lié avec les autres, tu le trouves. Il a des hudoud, il a des limites. Pourquoi? Parce que c'est un talib ilm et connaît des choses que les autres ne savent pas. Enfin, ça doit se voir sur lui. Qala wal a'mal kadhalik. Tu le trouves fil a'mal. Il a appris des choses, il applique. Wa'illa, pourquoi t'apprends? Cet apprentissage, c'est pour appliquer. Kadhalik wa ta'lim. Pour montrer aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Il t'a ouvert les portes. T'as su des choses. Un autre, Rabbama, il ne les sait pas. Il ne les connaît pas. Personne ne lui a montré. Et anta, tu sais. Montre-lui, akhil karim. Montre-lui, brifq. Montre-lui avec douceur. Montre-lui parce que tu l'aimes, fillah, c'est ton frère. Et inshallah, il y aura du khayr. Qala fa huwa ahqqu an-nas bil ittisaf bil akhlaq al jamila. Ahqqu an-nas. C'est talib al-ilm, c'est celui qui doit le faire le plus d'efforts fi hadha al-bab. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il a des choses que les autres ils ont pas. Ba'd an-nas, ils font des choses, ils ont des mukhalafat, lakin c'est bi sabab al jahl, il sait pas. Hatta si tu lui dis, ba'dhum, ils sont étonnés. Tellement qu'ils pensaient que cette chose, c'était pas quelque chose de mal. Quand tu lui montres, même s'il a du mal plus tard à appliquer, lakin, tu vois qu'il savait pas. Amma talibul ilm, il sait mitla hadil umur. On doit avoir une différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Qala wa attakhalli min kulli khuluqin razil. وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم. نعم, faire des efforts dans les obligations, s'écarter des interdits. Pourquoi? Parce que طالب العلم, il a cette chose qui lui montre. C'est halal, c'est haram. C'est une sunna, c'est une bid'a. C'est du tawhid, c'est du shirk. Enfin, cet apprentissage, le fruit, c'est pour appliquer. قال أيوب رحمة الله عليه أيوب السختياني الإمام قال لي أبو قلابة son شيخ عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله عليه il a dit à أيوب son élève إذا أحدث الله علما si Allah سبحانه وتعالى il te donne du علم cette نعمة فأحدث له عبادة sois reconnaissant avec une عبادة et cette chose tu la connais tu l'as appris applique. قال ولا يكن همك أن تحدث به. Ton objectif, ça doit pas être j'apprends, c'est que pour montrer. Et tu t'oublies toi-même. C'est pour ça que بعض الحكماء, ils ont comparé ce genre de personnes, ils ont des connaissances, ils montrent aux autres et il ne fait pas d'effort lui à une bougie. Il y en a la bougie, elle éclaire les autres, et elle se brûle elle-même. هكذا. Celui qui montre aux autres, il va éclairer les autres. Lakin se fait du mal à lui-même. Et la bougie, elle fond. Alors, on ne doit pas être comme des bougies. Là, on applique nous et on montre aux autres. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. Tant que tu n'appliques pas, tu restes ignorant, même si tu sais. لأن الفضيل il nous montre, il nous explique. Anna, le but, c'est l'amal. Donc, même si tu connais, tant que tu n'appliques pas, tu es un ignorant. قال, فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا S'il applique, ça devient un alim, un savant. Ça nous montre que ce n'est pas que des connaissances, l'ilm shari. نَحْنُ الْآن les efforts qu'on fait في هذا العلم, ce n'est pas des efforts faits de dunya. Ce n'est pas pour avoir un diplôme. C'est pas pour avoir des connaissances. تعلمون أن بعض المستشرقين المستشرق c'est il traduit par orientaliste, c'est il apprend les choses qui concernent l'Orient, l'islam, la culture arabe, etc. pas pour l'amal. فبعضهم يكون القرآن par cœur. وبعضهم il a une عناية كبيرة بالكتب بالمخطوطة. Et ils font des recherches. Et ils lisent des livres d'histoire, des livres fait l'islam, des tafasir fait le Coran. Mais ce n'est pas pour l'amal. Pourtant, Obama, il a plus de connaissances que nous dans le Coran, dans la langue arabe, etc. Lakin, il n'a pas de récompense. Son but, ce n'est pas l'amal. On ne doit pas être comme ça. On prend des informations. Là, ce n'est pas des informations. C'est ibadah. قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا Donc, si tu veux profiter de l'ilm, fais des efforts, fais le talab, fais des efforts et applique. Avec la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève ce talib. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Iman et ilm. Et tout ça, c'est pour l'amal. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العمل souvent الله سبحانه وتعالى cite الإيمان avec العمل لأن ça va ensemble. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه ولأنهم قدوة الناس أو لأنهم قدوة للناس نعم c'est un exemple pour les gens طلاب العلم والناس مجبلون على الاقتداء بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم صحيح. Vous avez remarqué que l'awam ils prennent en exemple العلماء ou à une échelle plus bas les imams du masjid ou celui qui fait l'adhan ou celui qui porte il a une apparence de sunnah. Les gens ils le prennent comme exemple. C'est pour ça que s'il fait une faute il est critiqué. Pourtant, tout le monde fait cette faute. Lui-même, peut-être, il l'a fait. Lakin, si ça vient de ce frère, de cet imam, cette personne qui fait des efforts fil khayr, il sera beaucoup plus critiqué. Pourquoi ? Parce que les gens, ils le prennent comme référence. Qu'ils le veuillent ou non, comme a dit le cheikh Sa'di. قال والناس مجبلون على الاقتداء بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم ولأنهم يتطرق إليهم من الاعتراضات والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق على غيرهم. هذا. C'est ça qu'on a cité. C'est que si ils font soit par le biais une erreur, alors Thomas il sera beaucoup plus critiqué que si un jahil il fait cette erreur. Et fait le haqiqa, c'est normal. C'est normal. Et annaka, tu fais des efforts. Tu as compris certaines choses. C'est pas comme celui qui fait pas des efforts dans telle chose. Kadalik, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Les annaka, tu représentes. Tu as une apparence de sunnah et de l'ilm. Enfin, cette responsabilité, on doit faire attention. Et c'est une da'wa adhim, le bon comportement. Et t'appliques, c'est une da'wa adhim. Les gens, ils vont voir sur toi les fruits de l'ilm. قال وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل بالعلم على العلم فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. السلف كذلك يفزد des efforts في العمل pour que العلم augmente. S'il apprend une chose, il l'applique. Et cette chose, il la retient. قال الشعبي رحمة الله عليه كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أي pour apprendre les hadiths par cœur, il les appliquait. C'est vrai que si tu appliques, tu retiendras le hadith. Il y en a, tu as appliqué. Matalan, tu connais le hadith, il faut jeûner lundi et jeudi. T'appliques, tu jeûnes lundi et jeudi. Tu vas retenir. Tu sais que t'as fait ce amal parce qu'il y a un hadith, donc tu vas le retenir. Hakada, ils étaient salafs. Ils connaissaient des hadiths, ils appliquaient. Qala wa kunna nasta'in ala talabihi bis-sawm. Kadalik, la chose qui les aidait, c'est l'ibada. As-sawm ou ghayr as-sawm. Qala al-Sheikh Sa'di, farouh al-ilm. وحياته وقيامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc روح العلم. الروح c'est l'âme d'une chose. L'âme. الروح. روح العلم وحياته et la vie de ce علم. Et pour que ce علم soit vivant, profitable. إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا. Applique, fais des efforts dans le comportement. لأن الله سبحانه وتعالى أكرمك بنور. Ce ilm, c'est une lumière. Ça doit se voir sur toi. قال وتعليما ونصحا. كذلك, fais des efforts. Tu montres ce que tu connais, tes connaissances. Tu les propages بعلم. Tu t'écartes des rumeurs, du قيل والقال. Tu montres aux gens pour rapport à leur connaissance, à leur niveau. Tu commences par les choses simples. Et tu ne deviens pas une fitna pour les autres. Malgré tes connaissances, tu cites des sujets que personne ne comprend. Voilà. Ou des choses ils ne peuvent pas comprendre, ils sont mal expliqués, ça devient une fitna pour eux. C'est toi la cause. Tu dois être un nour. Ton kalam, il doit rassembler. Al-haq. Qala wa nushan. Kadalik, tu conseilles. Tu conseilles. Il y en a que tu sais, tu connais des choses que eux ne connaissent pas. Fatansah lillah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a fini sa phrase avec cette jumla لأنه رحمة الله عليه il sait que tout ça c'est بحول الله وقوته. T'arriveras pas à tout ça que si Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Ça te montre l'importance de dua, l'importance de tatawakkal ala Allah. Et tu sais que ce que tu fais c'est que des efforts. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Et inch'Allah ta'ala, tu désespères jamais. Lakin, tu sais que l'umour, c'est biyadillah. Fa place ta confiance en Allah. Ala, c'est un bab azim. Al-amal bil-ilm. Fa le fruit de ce ilm, le profit que tu auras, c'est al-amal. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إما c'est une preuve pour toi إما contre toi. Contre toi si il n'est pas appliqué, il n'y a pas de da'wa, il est délaissé alors que tu le connais. هذا c'est une preuve contre toi. لأن c'est une ni'ma et tu connais le sens et tu n'appliques pas, tu ne montres pas, donc ça devient contre toi. لأن tu savais et tu n'as pas fait. Amma l'ignorant, Obama, il est excusé dans certaines choses. S'il n'avait pas les moyens d'apprendre, personne ne lui a montré, il était limité. Il a une excuse. Amma celui qui sait. Thumma qala Cheikh Abdussalam, tariqatu at-ta'lim. Et ça, c'est important. Tariqatu at-ta'lim. On revient à la méthodologie. Après tous ces chapitres qu'on a lus, tous ces passages qu'on a lus, Cheikh Saadi, il va insister encore une fois à tariqa. Il y en a tous ce khayr qu'on cite et ça nous motive, toujours on revient. Il faut une méthode. Si tu veux avancer, si tu veux progresser. قال الشيخ سعدي وينبغي سلوك طريق الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما الطريق النافع. On doit faire des efforts في هذا. Si tu as une méthode qui est plus profitable qu'une autre, tu prends la méthode la plus profitable. Il y en a, le temps il est court et tu ne sais pas combien de temps tu vas être un talib ilm, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu ne sais pas tout ça. Donc le temps il est précieux, on fait des efforts. قال فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير. Ça c'est important. أن المعلم quand il explique une chose, il doit l'expliquer correctement. واضح à ses élèves. Et parmi les choses qui aident, comme il a cité Cheikh Saadi, c'est darb al-amthal. Tu cites des exemples. Quand tu veux expliquer à quelqu'un, ahyanan tu as besoin de citer des exemples avec des choses qu'il connaît, qu'il vit tous les jours. Enfin, ce ilm que tu connais, tu lui montres avec un exemple qu'il vit au quotidien. Tu vas voir qu'il va comprendre les choses très vite. What to swear? Kadalik, tu peux lui faire un schéma. Bien sûr, tout ce qui est en rapport avec taswir dawat al-arwah, c'est haram. Et c'est pas qasd Cheikh Saadi, on a là. Al-taswir, c'est tu lui donnes une image de la chose. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait à l'ard. Et il leur a dit, hada siratullah. C'est ça le chemin droit. Thomas, il a tracé des traits à droite et à gauche. Et il a dit, hadihi subul. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait un schéma sur le sol. Pour leur montrer. Les nahiyanan, quand tu vois une chose, c'est abla. Tu comprends plus facilement. Amma fi taswir dawat al-arwah, il n'y a aucune baraka. Li'annahu, c'est haram. Donc les vidéos pour montrer aux gens, là, tu ne montres pas aux gens avec des choses haram. Il n'y a pas de baraka. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui auront le plus grand châtiment, c'est ceux qui font ces images avec un ruh, des animaux, des êtres humains. Et dans le hadith l'akhar, la'anallahu al-musawwirin. On prend cette méthode pour essayer de faire du khayr. Et on vit dans une époque, là, les vidéos, elles sont partout. Il y a partout des vidéos, sur Internet, dans les téléphones. Est-ce que ça a sorti une génération de tullab ilm? Abadan. Tu peux regarder des vidéos toute la journée, c'est pas une méthode. Là, utlub al-ilm 'inda 'alimin min ulama as-sunna, si tu peux, et tu verras qu'il te donnera des exemples. Il te donnera des exemples, et tu prends l'ilm directement chez lui, tu le vois en face de toi. Et tu verras que tu profiteras. Amma ce ma'asi, ça fait que du mal. Le malaïka ne rentre pas dans un bête ou qui a ses sourds. Comment tu vas profiter? Le malaïka, il ne rentre pas. Et alhamdulillah, on a expliqué ce sujet dans plusieurs durus. قال ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تفهيمها للمتعلمين. كذلك, le professeur, le mudarris, il ne se précipite pas à passer d'un sujet à un autre alors que les élèves, ils n'ont pas compris. Kadalik, les élèves, ils font des efforts. Lakin, se précipiter, vouloir finir un dars, il faut qu'on finisse. Pourquoi se précipiter à finir alors que personne n'a compris? Elle est où le faïda? Qala, wa la yada' al-muta'allimin yakhrujuna min al-mawdu' alladhi lam yatim ta'allimuhu wa taqriruhu ila mawdu'in akhar hatta yuhakkimuhu wa yahkumuhu wa yafhamuhu. فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يحرم أو يحرم الفائدة كما تقدم. صحيح. Si c'est pas compris, أولا l'élève il doit le dire. Ne pas comprendre certaines choses, ça arrive, c'est normal. Lakin ne rien comprendre au dars, t'as pas compris du tout. Fiad al-hal, tu dois le dire. Et le professeur, il doit prendre le temps de t'expliquer. Et là, c'est le but, c'est ça. Le but, c'est d'appliquer. Comment tu vas appliquer une chose que t'as pas comprise? On fait attention à se précipiter. Ne pas se précipiter. Fais attention, Lihal. Et ça, ça montre les méfaits des doros. Et le but, c'est l'argent. Des sessions, il faut qu'on finisse en un mois et chacun il donne 50 euros, et le but c'est l'argent. Ah oula, ils se font beaucoup de mal. Il y en a, la session elle doit être finie en un mois, ils ont compris, oh ils n'ont pas compris. Et Thomas, il y a des autres, ils vont venir avec de l'argent. Thomas, le but c'est l'argent. Il faut que ça, il faut pas qu'il y ait d'interruption indahum. Amma nahnu la, le but c'est al-amal, et tout ça on fait des efforts, fait l'ikhlas. Et le but, c'est Rida Allah subhanahu wa ta'ala. S'il faut rester une semaine sur une mas'ala, on restera une semaine sur une mas'ala, hatta c'est compris. Et cette semaine, les efforts, on a du abd. Amma se précipiter. Thomas, l'argent, elle est prise. Thomas, personne n'a compris. Ma hiya al-fa'ida. Thomas, قال, Cheikh Abdussalam, ta'ahud mahfouzat al-muta'allimin. Et ça, c'est important. Faire des efforts. Le professeur, il doit faire des efforts pour te montrer. Lakin, akhil karim, si tu fais pas des efforts toi, personne les fera à ta place. Le professeur, il peut pas apprendre à ta place par cœur. Il peut pas réviser à ta place. Là, le professeur, le cheikh, le mudarris, il peut t'aider, te faciliter la compréhension. Thomas, si les efforts ils sont pas faits, même si tu as compris et tu révises pas, tu oublieras. Tu oublieras. L'être humain, il est hakada. قال وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان. نعم. Tu dois résumer ce que tu as appris. Tu dois relire. أما tu rentres chez toi, tu poses le livre et t'attends le prochain dars. لا. Ça c'est du ilm. Tu viens pas à une muhadara ou khutba de jumu'a. T'écoutes, alhamdulillah, un kalam simple, tu profites. C'est la khutba, elle est fondée sur le kitab ou le sunnah. أما الآن c'est des doros. C'est des usul. Tu dois réviser, prendre des notes. Réviser avec un frère. Tu te poses des questions et tu réponds pour voir si tu as compris. Thomas le mudarris, kadalik, il l'aide en posant des questions au début des cours. Vous répondez. Inch'Allah, yahsul khayr azim. Fa, donnez du temps. Ne crois pas que la révision c'est 5 minutes, 1 minute. Donnez du temps. Tu révises, tu répètes, hatta tu comprends ces choses. قال الشيخ السعدي وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة. Tu fais des efforts في المذاكرة والمراجعة. Tu répètes, tu relis et tu révises. Et s'il faut apprendre par cœur, t'apprends par cœur. قال وتكرار الدرس فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار. Il va donner un مثال عظيم. Un exemple. تقدم معنا pour comprendre les choses, pour bien te situer, bien comprendre, une des meilleures méthodes, c'est les exemples. Al-An, il va comparer ce ilm avec un arbre. L'arbre, il a des fondements. Il a des racines. Al-ilm, il a des fondements. Un arbre sans fondement, l'arbre, il meurt. Sans racines. Tu coupes les racines, l'arbre, il meurt. Hakad al-ilm. T'as pas de fondement, ton ilm, il sera pas bénéfique. قال والدرس والمذاكرة والإعادة بمثابة السقي. La révision, par rapport à ton ilm, c'est comme celui qui arrose. Si tu arroses cet arbre, cette plante, tu vas voir que tu profiteras. Tu profiteras des fruits, tu profiteras de l'odeur de cette plante, de sa beauté, etc. هكذا العلم. العلم, si c'est acquis, walillah ilham, ne pense pas que ça restera toujours. Là, tu es obligé de réviser. قال والدرس والمذاكرة والإعادة بمثابة السقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها. كذلك, les jardiniers, ils sont obligés de faire du nettoyage s'ils veulent que la plante, elle pousse. ils enlèvent les mauvaises herbes, ils coupent, ils arrosent. Ah, il y a un entretien. Tu t'écartes des choses qui font du mal. Tu prends soin en arrosant. La révision. Tu profites. Et le but, c'est les fruits. Tu fais l'amal. Qui est profitable pour l'insan. Avec cette méthode, inshallah ta'ala, ton ilm va progresser. Et ton ilm restera avec toi. Tu n'auras pas toujours les livres avec toi. Tu n'auras pas toujours un livre pour lire. Là, tu es obligé d'avoir du hibb, la mémorisation. Tu es obligé d'avoir de la compréhension. Et tout ça, ça restera avec le temps, avec la régularité fil ilm. Il y en a dars après dars, vous verrez que les choses elles se répètent. Et كذلك les efforts que tu as fait. قال وكما ان على المعلم توقير معلمه. Comportement. Et on l'a déjà cité. Lakin il le répète rahmatullah alayh. Wal adab ma'a. Comme tu as un bon comportement avec ton professeur, avec ton cheikh, on l'a cité dans les pages précédentes. قال فكذلك اقرانه المتعلمون معه. عليه من مراعاة حقوقهم والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. كذلك tu dois avoir un bon comportement et donner le haq à ton frère talib al-ilm. Ce frère qui fait talab al-ilm avec toi, tu dois lui donner son haq. Un bon comportement. التعاون, céder dans le bien. قال فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة. لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحقوق الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده وحقا لنفع بعضهم بعضا. نعم وحقا لنفع بعضهم بعضا. أولا il te montre أن cette amitié que tu vas faire avec tes frères في طلب العلم c'est une amitié plus forte que ceux qui deviennent amis parce qu'ils aiment tel sport. Ah oui, ils sortent ensemble. Ah oui, ils font des ma'asi ensemble. Nous, ça doit être plus fort. Ils ont une amitié. C'est sur le haram. Lakin, ils s'entraident. Ils le défendent. Ils l'aident, etc. Nous, ça doit être achad. Pourquoi? Parce que nous, cette amitié, elle est fondée. Awalan ala tawhid. Ton frère, c'est un mouahid, t'es un mouahid. C'est un musulman, t'es un musulman. Tu l'aimes, fillah. Kadhalik, vous faites les mêmes efforts. Ou vous faites des efforts fil ilm. Kadhalik, vous avez le même professeur. Tout ça, ça montre que vous avez des huquq. Vous devenez comme des frères. Vous êtes des frères fil din et ça devient des liens comme si c'était ton frère. Kadhalik, ça implique at-ta'awun. Si c'est trompé, tu le conseilles. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne pense pas que se taire, ça arrange les choses. Si tu l'aimes vraiment, montre-lui. Ya akhi, tu t'es trompé. Ya akhi, t'as un mauvais comportement dans telle chose. Berufq. Et si il voit que tu veux son bien, inshallah, ça sera très simple qu'il accepte. Sans l'humilier, sans se venger. Là. Al-hadr kadhalik, la jalousie. S'il avance plus, il a plus de facilité dans la mémorisation ou autre. Fadlullah. Yu'tihi man yasha, subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est ton frère, tata'awanu. S'il a une faiblesse dans une chose, tu l'aides. S'il a un manque, tu l'aides si tu peux. Un jour, il t'aidera. Al-mu'min, le mu'min que le bunyan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le mu'min, par rapport au mu'min, c'est comme une construction. Hada, il supporte hada. Et l'autre, il l'aide. Wa hakada. Qala wa lihada yambari an la yada' mumkinan min naf' man yaqdir ala naf'ihi minhu bita'limihi ma yajhal wal bahth ma'ahu. للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. نعم تسكو on vient de citer les exemples. قال وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه ويعلم العارف غير العارف ويتطارحون من المسائل النافعة وليجعلوا همهم أو همهم معقودا على ما هم بصدده. صحيح dès qu'ils se rassemblent ça doit être une ghanima, ils doivent profiter. Pas de qil wa qal, pas de fitan, pas de rumeurs, pas des choses qui divisent. Révise, conseille, vous profitez ensemble de ce ilm. Et bien sûr, des choses mubaha, tant que c'est pas haram. Et vous avancez. قال وليحذر من الاشتغال بالناس الحذر من هذا. Toujours regarder les autres et s'oublier soi-même. Là, ça ne veut pas dire que on fait pas de da'wa, on met pas en garde s'il faut mettre en garde. من أهل البدع والشر والإلحاد والكفر. Ça ne veut pas dire هذا. لكن الشيخ سعدي veut c'est parler sans ilm. Toute ta journée c'est que ça. Comment on délaisse al-nawafil, on délaisse l'ibadat, on délaisse le bon comportement. Al-hadar min hada. Qala wa taftish an ahwalihim wa al-aib lahum fa inna dhalika ithmun hadir. Amma si c'est pour connaître le hal hatta il te fait pas du mal, hada c'est ma'ruf. Hada c'est ma'ruf. Lakin si c'est le but, c'est que pour l'humilier, il n'y a aucun neuf. Il ne te fait aucun mal. C'est un jahil. La tashtaghil bih. La tashtaghil bih. Amma l'ilm, tu le prends que inda ahli sunnati wal jama'a. Et si tu sais que fulan sa mubtadi a munharif en bal, fahdhar min. Écarte-toi, il te fera du mal. Amma l'ishtighal, toute la journée. Et on ne fait plus le Coran. On ne fait plus le tawhid. On ne fait plus tout ce qui concerne l'aqidah. On ne fait plus d'efforts fil ibadah. Ça c'est un talbis min iblis pour t'écarter du khayr. Al-jarh wa al-ta'dil, ça fait partie de notre din. Lakin comme on répète toujours à nos frères, on prend hada al-ilm min ahli et on profite et on propage et on rentre pas dans des choses qu'on maîtrise pas et on perd pas notre temps les rumeurs. Qil wa qal. Ça mon khalif, écarte-toi de lui. Il est à la khayr, alhamdulillah, profite. Amma les rumeurs, on a dit toute la journée via hada, tu perdras du temps fil ilm. Ce ilm qui va t'aider à comprendre ces choses, tu le perdras avec le qil wal qal. C'est pour ça qu'on a dit c'est min talbis iblis. Qala wal ma'siyah min ahli al ilm a'zam minha min ghayrihim wa li anna ghayrahum yuqtada bihim aw yaqtadi bihim. C'est ce qu'on a cité auparavant, il le répète. Lianna si toi tu fais une faute en tant que talib ilm, en tant que imam de masjid, en tant que sunni, les gens ils vont dire regarde. Regarde, c'est un salafi, il prétend telle chose, il critique les autres et il vole. Il insulte. Il a un mauvais comportement. Et tu fais du mal à la da'wah. Tu fais du mal à la da'wah. Les Anna, t'es un salafi et eux, pour eux, tu représentes la da'wah salafiya. Enfin, indahum, ils voient une erreur, c'est tout. Ils disent, ils sont mauvais. On a une responsabilité. Et nous, ça ne fait aucun mal. Si tu te trompes, ça arrive. Ceux qui parlent, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Là qu'il y a le mauvais comportement, et c'est une habitude, et tu rends des choses que tu ne maîtrises pas, et tu fais du mal à la da'wah, tu es responsable. Et au Qiyamah, tu auras des comptes à rendre à la hada. On a une responsabilité, ya ikhwa. Qala, wa man kana tab'uhu ash-shar min ghayrihim, ja'alahum hujjatan lah. Wa li anna al-inshigal bin-nas, yudhayya' al-masalih al-nafi'ah, wal-waqt al-nafis, wa yudhibu bahjat al-ilm. ويذهب بهجة العلم ونوره. هذا كنا سيتي الانشغال. Ça veut pas dire que tu profites pas. On profite من علمائنا, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le jarh ou le ta'dil, في الرد على أهل البدع. Ça c'était منهج السلف. لكن الانشغال بهذا, les rumeurs, c'est pas fondé sur l'ilm et on délaisse des choses obligatoires. هذا لا. Donc chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. الحق c'est حق. ولو كره من كره نكتفي بهذا لعل le prochain درس ان شاء الله c'est le dernier si on arrive à finir. نعم بقي قليل et il y a des choses qu'on a déjà faites ان شاء الله on essaiera le prochain درس c'est le dernier حتى on commence un autre درس باذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع تحية دماج افاق.com